l'Inde, libération. Salut, c'est Thierry Gallet. Je sais, le jour où j'enregistre, nous sommes le 11 mai, pour une fois je vous le dis, et nous sommes déconfinés. Donc, je peux sortir de chez moi. Oui, mais le problème, c'est que je ne peux pas aller à la radio parce que on a décidé, pour des mesures de précaution, de mettre une bonnette individuelle sur le micro. Vous savez, ce qui recouvre le micro pour chacun d'entre nous. Et les bonnettes ne sont pas encore arrivées. Donc, par sécurité, pour moi et pour les autres, tant qu'on n'a pas les bonnettes, on n'a pas d'émission en direct. Donc, une émission en confiné, alors qu'on n'est plus confiné. Donc, ce serait la numéro 454 C, non C. Enfin, vous faites comme vous voulez, on s'en fout, c'est pas grave. Je vous avais préparé pour cette émission le Back to the Egg, parce que je me disais, c'est retour à la radio, donc c'est retour à l'œuf. Alors je la fais quand même, parce que d'abord j'adore cet album-là, et puis autant ne pas repousser, quoi. Voilà, donc je la prépare, elle va durer le temps qu'elle va durer, mais ce sera certainement très très très bien. Je vous donne rapidement, parce que le temps passe vite, les premières chansons. Alors comme d'habitude, on va régler notre sono pour pouvoir être bien sur l'antenne. Ensuite, il y aura Art of Dying de George Harrison sur All Things Must Pass, puis Bring on the Lucy de John Lennon sur l'album Mind Games en 73. Ringo Starr nous chantera Only You and You Alone sur Goodnight Vienna en 74. Quant aux Beatles, ce sera Get Back. Bah oui, Get Back, parce que je pensais retourner à la radio. Eh ben c'est pas grave, on Get Back quand même. Voilà, ce sera bien, ce sera l'occasion de l'écouter. Pour le reste, eh bien, je vous invite à nous retrouver sur Facebook, à ouvrir ce podcast le 13 mai, le mercredi, donc dans deux jours. Peut-être aujourd'hui, si vous le prenez juste aujourd'hui. Et à nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four pour pouvoir le commenter. On ouvre à 20h02, parce qu'entre 20h et 20h02, on applaudit les soignants, tous ceux qui ont bossé comme des malades pendant tout ce confinement, et qui continuent à bosser d'ailleurs. Et puis, eh bien, voilà, c'est tout. C'est tout pour l'instant. On se retrouve dans quelques minutes. Le temps de vous dire, il faut mettre la bonne fréquence, celle de RIG 90.7. C'est celle qu'on ne peut pas faire pour l'instant, puisque je vous propose le podcast directement. Bonne soirée, c'est la saga des Fab Four qui commence maintenant. What did you do when you made the deputy sheriff? Well, we were after a man who was apparently been doing something. Keeping my head on the right road. So bring all your friends, come on. We're open tonight, come on, come on. We're opening all our doors, we're clearing back all the floors. We're open tonight, dur pour moi, évidemment, c'est d'arrêter l'album ici. Donc, on vient d'écouter Reception, Getting Closer et We're Open Tonight sur l'album Back to the Egg. C'est le 7e album et dernier album studio du groupe Wings, paru en 1979. Il montre une nouvelle formation du groupe puisque le trio du précédent album, formé par le couple McCartney et Danny Lane, est rejoint par Laurence Joubert et Steve Hawley. Face à la vague punk, McCartney répond avec un album de rock vivant dans la veine de Helter Skelter et offre quelques ballades. Revers de la médaille, l'album comprend peu de chansons restées célèbres et les singles qui l'accompagnent se vendent mal. La critique se montre très mitigée concernant Back to the Egg. L'accueil du public est moins enthousiaste que pour les précédents opus. L'album se classe 6e au Royaume-Uni et il est cependant disque d'or et 8e aux États-Unis où il est cependant disque de platine. Écoutez, moi je veux bien les critiques dire que l'album se vend mal, il est quand même 6e et 8e. Alors évidemment, quand on s'appelle Paul McCartney, on voudrait être numéro 1. Bon, d'accord, mais 6e et 8e, je pense qu'il y a des groupes qui aimeraient bien que leur album se vende mal comme ça en étant juste 6e et 8e. C'est un chef-d'œuvre oublié, même par l'auteur lui-même. J'en ferai ma bataille jusqu'au bout. Ouais, ouais, réhabilitons Back to the Egg. J'adore cet album. Voici George Harrison en 1970 sur All Things Will Pass, Art of Dying. C'est la saga des Fab Four en home recording. Try. This is it. Over the hill. Remarquez quand même la thématique de cette émission, Free the People, libérer les gens. Et je savais qu'on arrivait près de la fin du confinement, donc je vous ai choisi des titres un petit peu exprès, Get Back pour Retour à la radio, qu'on écoutera dans quelques secondes. Bon, je n'ai pas toujours recherché, hein, mais ça m'est arrivé quelquefois de penser un peu et de me dire « Ah, puis on a été seul, alors maintenant on va pouvoir revoir la personne qu'on aime, Only You and You Alone » par Ringo Starr en 74 par exemple. You Sur l'album Goodnight Vienna, Richard Starkey, alias Ringo Starr, j'allais dire sur RIG. Oui, oui, bientôt, j'en suis sûr. En tout cas, dans la saga des Fab Four, numéro 454, ou le Home Recording, numéro 9, si vous voulez tout savoir. 9 sessions enregistrées durant tout ce confinement. Voilà. Nous avons écouté Paul McCartney avec Reception, Getting Closer, We're Open Tonight, sur l'album de la semaine qui est Back to the Egg. Nous avons entendu Heart of Dying par George Harrison. John Lennon a chanté Bring on the Lucy, Free the People en 73 sur Mind Games. Et à l'instant, Ringo Starr, Only You and You Alone. Il ne nous reste plus qu'à mélanger tout ça et ça va devenir les Beatles. Dès qu'on parle des Beatles, il faut absolument parler de celle qui sait tout et qui nous donne des nouvelles des quatre de Liverpool. C'est Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Joe lived his home in Tucson. Quelquefois que j'oublie de passer parce que je les crois trop connus. Get Back en fait partie. Je me dis, bon, tout le monde connaît, c'est pas la peine. Et puis, en repassant Get Back, je me dis, oh, c'est bien, ça fait plaisir à entendre. Voilà, le tout, c'est de pas le passer peut-être trop souvent. Trop souvent, c'est-à-dire pas à chaque émission, voilà. On peut le passer toutes les deux, si on veut. Vous êtes bien avec Thierry Gallet qui vous fait une saga des Fab Four confinée. J'allais dire confirmé, mais oui, c'est vrai aussi, c'est la saga numéro 454, et nous sommes censés être le mercredi 13 mai, directement en podcast, donc j'espère que vous avez ouvert quand il fallait, à 20h02, et qu'on est ensemble, et que vous êtes sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, pour commenter avec moi. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Back to the Egg, que j'adore depuis 40 ans, au moins, je pense, et je vous propose un nouveau titre, Speed It On, sur RIG à 90.7, qui est la radio des Beatles, mais dans la saga confinée. Je vais essayer. Faut que je me réhabitue à dire RIG, parce que bientôt. Spin it on. To the victory, to the bitter.

sleep at night since you've been gone. Call Your Name, sorti cette année bénie de 1964. D'après les souvenirs de John, il écrivit I Call Your Name à l'époque où il n'y avait pas encore de Beatles, pas encore de groupe. Les Quarrymen, son premier groupe, ayant été formé peu de temps après l'acquisition de sa première guitare en mars 1957. Il dut composer ce morceau soit au moment où il apprenait à jouer de la guitare, soit alors qu'il ne connaissait encore que le banjo. Si cette chanson a effectivement été composée alors qu'il avait 16 ans, il est intéressant de noter que John parlait déjà de désespoir. Et les vers « I never weep at night, I call your name »,« Je ne pleure jamais la nuit, j'appelle ton nom », sont extrêmement proches de ceux de Oh Yoko, chanson composée en 1971, dans lequel il dit « In the middle of the night, I call your name » sur l'album « Imagine », il dit « Au milieu de la nuit, j'appelle ton nom, je dis ton nom ». John ajouta à I Call Your Name une touche de bluebeat, un rythme jamaïcain, en 64. Le bluebeat et le ska, introduits en Angleterre par les immigrants jamaïcains, étaient assez populaires chez les mods. Vous savez, les rebelles et les mods. Regardez le film Hard Day's Night pour comprendre. Et le label Bluebeat, fondé par Ziggy Jackson en 1961, avait publié 213 45 tours lorsque sortit I Call Your Name. Deux semaines après l'enregistrement de cette chanson, le New Musical Express publia un article sur le ska et le bluebeat et sur les chances pour cette musique de devenir la nouvelle mode en Angleterre. Avec les Beatles pour concurrents, c'était fort peu probable. On reste avec John. Voici Number 9 Dream. Thank you. John Lennon et son langage étrange parfois. Jai Guru Deva ou Abba Waka Waka Pousse Pousse, pourquoi pas. Je vous propose de revenir vers les Beatles avec une version anthologie que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la chanson Tomorrow Never Knows, mais ils en avaient fait une version de travail qui vaut largement le coup d'oreille aussi. Voici Tomorrow Never Knows, version anthologie highlights, sortie en 2010. En gros, c'est le best-of des anthologies. Donc vous avez vraiment les trucs qui valent le coup si vous voulez vous acheter une seule anthologie, achetez celui-là, c'est bien. C'est sorti en 2010, ça s'appelle Anthologie Highlights. Vous avez une petite partie de l'essentiel. Voici Tomorrow Never Knows. Me faites pas dire que je préfère cette version à celle connue sur l'album original. Non, non, j'aime les deux versions, et celle-là, je la trouve très bien aussi, parce qu'il y a une ambiance glauque qui aurait certainement plu à John Lennon, certainement, mais ils ont préféré passer l'autre version, qui est très, très, très bien. On revient à l'album de la semaine. J'ai fait des petites recherches, là, pendant que le disque passait. Quand même, hein, un album qui, soi-disant, s'est mal vendu. En Australie, il était 3e. En Autriche, il était 12e. Au Canada, il était 2nd. Aux États-Unis, donc 8e, je l'avais dit en début. En Norvège, il était 5e. En Nouvelle-Zélande, il était 9e. Aux Pays-Bas, 11e. Et en Suède, 5e. Pour un album qui ne s'est pas vendu, ben, j'aimerais bien en vendre aussi peu. Voilà, hein, Paul McCartney. Cet album est un masterpiece. Voici Old Zion, Sir. La saga des Fab Four, le spécial. L'émission spéciale sur les Beatles. N'inquiétez pas, si vous avez du plaisir à écouter plus que les 6 titres que je propose habituellement dans l'album de la semaine, je prends énormément de plaisir aussi à en proposer plus. On en profite puisqu'on est en confiné, puisque l'horaire n'importe pas. Si on dépasse les 2 heures, c'est pas grave. Et donc, eh bien voilà, on se fait plaisir. Après tout, c'est moi qui ai établi les règles. Donc si j'effreins les règles, je ne m'en voudrais qu'à moi. Et en fait, je m'en veux pas du tout. Voilà. Vous écoutez la saga des Fab Four, c'est la numéro 454, en confiné, j'enregistre à la maison. J'enregistre d'ailleurs, pour une fois je le dis, le premier jour du déconfinement, on est le 11 mai au moment où j'enregistre cette émission. Et je vous propose de continuer avec un album sorti en 2012 par George Harrison, qui s'appelle, enfin, bonne posthume, qui s'appelle Early Takes Volume 1. C'est une compilation de George Harrison regroupant 10 titres enregistrés tout au début des années 70, soit pendant et juste après la séparation des Beatles. Ces démos et premières prises studio apparaissent dans le documentaire de Martin Scorsese, George Harrison Living in a Material World, sorti en 2011. L'album comprend 6 chansons issues de son premier album solo, All Things Must Pass, ainsi que The Light Has Lighted the World et Woman Don't You Cry For Me, publiés respectivement sur Living in a Material World en 73 et 33 and One Third en 76. Les deux derniers titres sont des reprises, Mama You've Been On My Mind de Bob Dylan et Let It Be Me des Everly Brothers, qui est une version anglaise de la chanson Je t'appartiens de Gilbert Bécaud. Oui, pour une fois que ça est déjà arrivé avec My Way par exemple, pour une fois que les Anglais nous piquent des chansons à nous, c'est bien. Eh bien, je vous propose la version justement de Bob Dylan, Mama You've Been On My Mind. Voici la cover qu'en a fait George Harrison, et quand il fait des covers, il réussit toujours à faire quelque chose de très très bien. La voici. It's the color of the sun cut flat, uncovering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather or something like that. Mama, you're just on my mind. I don't mean trouble, please don't put me down. I get upset, I am not pleading or saying I can't forget. I do not walk the floor, bow down and bend, but yet Mama, you just on my mind. Ooh. I am not asking you to say words like yes or no. Please understand me, I'm not calling for you to go. I'm just breathing to myself, pretending not that I don't know. Mama, you just on my mind. When you wake up in the morning, maybe look inside your mirror. You know I won't be next to you. You know I won't be there. But I'd be curious to know if you can see yourself as clear as someone who has had you on his mind. Ooh, ooh. Someone who has had you on his mind. Just on my mind. Olivia et Danny, s'il y en a d'autres dans les tiroirs comme ça, pourquoi pas un Early Takes Volume 2? Nous, on attend et on est franchement d'accord, parce que c'est vraiment très très très bien. Vous aimez Georges ? On reste avec lui. La dernière fois, lorsqu'on avait fait un spécial Georges fait par Jean-Philippe Harrison, c'est lui qui avait mené la danse, qui avait fait la playlist entière, vous aviez adoré cette chanson-là, The Hottest Gang in Town. La voici à nouveau dans la saga des Fab Four. Oui, sur RIG 90.7, www.rigfm.fr, c'est là où vous, normalement, vous trouvez ce programme, cette émission, le mercredi entre 20h et 22h. Someone else that you ought to know about, a little cat named Sifu Yao. And down in Chinatown, he's pretty well renowned. And is he ready to get happy? He can beat it out. Look out, brother, now he's got the hottest gang in town. He was boss long, long time ago. And afterwards he kicked the can. That's when Mr. Yao became the number one. So if you're ready to get happy, you can meet your sister. Look, I tell you, brother, he's got the hottest gang in town. We'll be right back.

réactivité de la saga des Fab Four. Évidemment, j'avais une autre chanson de prévue, mais entre-temps, Little Richard est mort. Il est mort le 9 mai 2020 à 87 ans, dans le Tennessee. Et on voulait lui rendre hommage à la saga, puisqu'il a été une grande influence pour Paul McCartney, entre autres, mais pas que. Lennon, Harrison et Starr l'aimaient bien aussi. C'est le compositeur et l'interprète de quelques-uns des plus grands classiques du rock, dont Long Tall Sally, qu'on vient d'entendre, Good Golly Miss Molly, Rip It Up, Lucille, Tutti Frutti, reprise de nombreuses fois par Elvis, notamment les Beatles, ou Johnny Hallyday, bien sûr. En 2008, le magazine Rock'n'Roll l'avait classé 12e des plus grands chanteurs de tous les temps, et en outre, il est intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame dès sa création, en 1986. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de Little Richard, paix à son âme, et puis aller faire du bon rock là-haut, parce qu'il commence à y avoir du monde. L'album de la semaine, à nouveau, voici To You, extrait de Back to the Egg, sur la RG, dans la saga des Fab Four, confinés. Nous arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par quelqu'un qui a repris une chanson de John Paul Ringo George, que ce soit avec les Beatles ou séparément. Après la séparation, on ne sait jamais. Même si les Beatles eux-mêmes faisaient à leur tour une cover, c'est pas grave. Si quelqu'un reprend la chanson qui a été chantée par eux, ça devient la cover de la saga des Fab Four. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez toujours me proposer des covers en m'envoyant le titre. Si c'est bien fait, il n'y a pas de problème, ça passera dans l'émission. Et je pense que vous aurez des bonnes surprises dans pas très très longtemps, on en reparlera. J'ai donc modifié la cover, ça n'était pas la cover prévue. Voici Little Richard, extrait de l'album Here's Little Richard en 1956. Et voici sa version de Long Tall Sally. Yeah. first met on the rooftop of that hotel. Everyone around us could see we got on well. So we took the elevator straight up to the 42nd floor. When we kissed in your doorway, it was like we'd never kissed before. I was in love again, and I knew that you were too. We spent every night together, nothing was taboo. And early in the morning, with the sunlight in your hair, I knew we'd stick together. You were the answer to my prayer. How could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? All the time we spent together so close and true, living for each other to get us through the blues. Beneath the Tennessee moon, we're near as we could be to Johnny Cash and June. How could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? I heard a rumor from an old friend of mine. You've been seeing someone else, I never saw the signs. I hope he makes you happy and that he is happy too. And just like all the others, I'll get over you. But how could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? Oh, how could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? Ringo Starr en 2017 sur l'album Give More Love So Wrong for So Long. À l'instant, ce monsieur va avoir 80 ans au mois de juillet. 80 ans, Ringo Starr, vous imaginez? Et il va toujours bien. Et qu'il continue comme ça encore longtemps, on lui souhaite. Vous êtes en train d'écouter l'émission La Saga des Fab Four numéro 454 en confiné. C'est un home recording numéro 9 que je fais, et bien forcément, depuis la maison. Et je vous propose de continuer avec les racines du rock pour nos amis. Bebop Peloula, chanté par John Lennon sur Rock'n'Roll en 1975. Là, c'est la version de Once Upon a Time. Elle est peut-être un poil différente. Je ne me souviens plus. Si je vous ai choisi celle-là, c'est qu'il doit y avoir un peu de différence. Écoutons. 1, 2, 3, 4, ouais. Bebop Peloula, she's my baby. Bebop Peloula, I don't mean maybe. Bebop Peloula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean maybe. Bebop-a-lula, she's my baby love, baby love, baby love. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the one woman that I know. She's the one that loves me so. Say, Bipapalula, she's my baby. Bipapalula, I don't mean maybe. Bipapalula, she's my baby love, my baby love, my baby. Let's rock! Évidemment, le coup classique du tandem Lennon-McCartney. McCartney dit ça va mieux, ça va mieux, de mieux en mieux tout le temps. Et Lennon rétorque, ça pourrait pas être pire. Voilà, ben, c'était ça, le tandem, le blanc et le noir, le joyeux, le pessimiste. Néanmoins, quel duo, quel tandem d'écriture, c'était absolument fabuleux. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Back to the Egg, avec, oh là là, ce grand moment de l'album, Back to the Egg. Voici After the Ball, Million Miles, la voix de Paul, la voix de Paul McCartney. After the ball, after the ball, you were the one out in the hall. You were the one who would love me after the ball. After the ball. The ball. Well, I arrived, looked around, but the room was full of strangers. Nowhere was a friendly face to be found. Later on, I awoke, but the about to come. Better days about to come. one more go round. Hold on before the curtain falls. Survive those nights at the troubadour. Frame those scenes a life ago. Packed up Monte Carlo, sold it all. Yes, I did. Better days about to come. Better days about to come. Better days, old child, they're gonna blow your mind. Better days about to come. Feeling beating like a drum. So you better grab a tighter hold tonight. Tomorrow's just behind the setting sun. And the better, better days about to come. Better days about to come, better days about to come. Better days, old child, they're gonna blow your mind. Better days about to come, feeling beating like a drum. So you better grab a tighter hold tonight. Tomorrow's just behind the setting sun. And the better, better days. Ringo Starr, c'est le métronome, un album tous les deux ans, et plus ça va, plus c'est bien. Enfin, non, c'est bien depuis un bon paquet de temps, voilà. En 2019, sur l'album What's My Name, Ringo Starr et cette chanson, Better Days. You come out to play. Dear Prudence, greet the brand new day. Open up your eyes. parfois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Écoutez bien les paroles, à un moment donné, Paul dit « Desmond stays at home and does his pretty face, and in the evening she's still… je sais plus quoi ». Donc, il s'est planté dans les paroles, il aurait dû dire « Molly » au lieu de dire « Desmond ». Et puis, ils se sont dit « c'est pas grave, on va laisser comme ça », et c'est assez marrant. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça, des fois que vous n'auriez jamais fait attention à ce détail. Voici George Harrison dans la saga des Fab Four. I'm waiting in the queue to call the Cosmic Empire. I want a front row view down at the Cosmic Empire. An omnipresent view down at the Cosmic Empire. Truth comes shining clear. It feels right there. Where one world's all disappear. It shines bright there. That the cosmic empire. That the cosmic empire. souls are filled with joy. Can't resist the spirit no one can destroy. You find bliss there. Died because we can fly. George Harrison dans les années 70, Cosmic Empire. On revient une avant-dernière fois, donc antépénultième si je me souviens bien, fois donc sur l'album de la semaine. L'album de la semaine c'est Back to the Egg et le titre que je vous propose est aussi bon que celui qu'on a écouté la dernière fois avec, ça s'appelait After the Ball, Million Miles, c'est la suite Winter Rose, Love Awake, la voix de Paul McCartney, la voix. Toll the bell. Nod Your Head, Monsieur Paul McCartney. Chanson est simple, hein, c'est un peu le même principe que lorsqu'il avait fait Why Don't We Do It In The Road. C'est si tu aimes la vie, si tu aimes ceci, allez, hoche de la tête, oh, de haut en bas, à droite, à gauche, et en rond, en rond, en rond. Voilà, c'est tout. Il y a quasiment rien d'autre dans la chanson. Mais bon, c'est fort et c'est plutôt très très sympa. Vous me l'aviez demandé aussi il y a très longtemps, et j'ai fini par en tenir compte, il suffisait simplement que je me souvienne de le proposer. On reste dans le rock, avec, en 1975, un medley. Bring it on home to me, send me some lovin'. John Lennon sur RG dans la saga des Fab Four. We'll be right back.

can learn how to be you in time. C'est la version de Love. Je ne voulais pas vous quitter sans un dernier morceau qui est sorti juste avant l'album Back to the Egg, mais qui faisait partie des sessions de cet album-là. C'est dommage qu'il ne figure pas sur Back to the Egg. Et c'est une manière de vous souhaiter une très très bonne nuit. Say anything, don't say goodnight tonight. Don't say it. Celui-ci, le générique de l'émission. Merci d'avoir écouté cette saga des Fab Four enregistrée à la maison. C'est la 454e C pour confiner. Confiner à la maison, puisqu'on n'a pas le droit pour l'instant de revenir à la radio tant que les mesures d'hygiène ne sont pas totales pour nous. Et puis pour vous aussi, on sait jamais avec la radio, on sait jamais. Et bref, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Je ne sais pas par quel biais, je ne sais pas si ce sera sur RIG 90.7 qui est la radio des Beatles, sur www.rigfm.fr ou ici, encore une fois, à la maison, et je vous le proposerai directement en podcast d'ici mercredi prochain. On verra. Bonne semaine et merci pour tout. Heureusement que vous êtes là. Ciao.